Regardez ce magnifique paysage, là, au loin. Vous voyez? Oh, regarde! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Le volcan, tu ne vois pas? Oui, le volcan, le piton de la Fournaise. Oh, mais il est en activité? Oui, le volcan est en activité, mais il n'y a pas de danger. C'est extraordinaire!